إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن دين الإسلام الذي أكمله الله وأتم به علينا النعم ورضيه لنا دينا هو دين الرحمة، هو دين الإحسان، هو الدين الذي عرف لكل حق حقه. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، والرحمة من صفات الله تبارك وتعالى، وربك الغفور ذو الرحمة. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمع. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لكل العالمين، فالذين آمنوا به واتبعوه رحمهم الله به في الدنيا والآخرة، والذين خضعوا لأحكامه وعاشوا تحت ظل عدالة الإسلام رحموا. أيها المسلمون، من أنواع الرحمة رحمة الصغار بالكبار، وشفقة الصغار على الكبار، فكما أن الكبير يرحم الصغير، فكذلك الصغار يرحمون كبارهم ويعرفون قدرهم ومكانتهم. فإن الله جل وعلا أخبر عن مبدأ أمرنا ونهايته، فقال سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فقوتنا بين ضعفين: ضعف في أول الأمر وضعف في آخر الأمر. فبينما هو يخرج من بطن أمه ضعيفا خفيفا تمضي به السنون والأيام تلو الأيام حتى يبلغ أشده ويستكمل قواه ويتلذذ بلذة الشباب وفترة الشباب، فيراها أحسن اللحظات وأسعد الساعات، وما هو إلا أن تتحول هذه القوة إلى ضعف وعجز، فتتحول القوة إلى ضعف والقدرة إلى العجز. عند ذلك يضعف السمع ويقل البصر وتتبطأ الحركات، وربما لزم الفراش لهرمه وكبر سنه. فشيء شيخ serviteur d'Allah سبحانه وتعالى، que la religion qui est l'islam, la seule qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et accepte, est une religion de miséricorde. C'est une religion de bienfaisance et de miséricorde. Et dans cette religion, chacun a sa place. Et tous ceux qui ont des droits, ces droits leur sont redevables. notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de la miséricorde. Et parmi les caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est la miséricorde. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, est ton Seigneur et le pardonneur, celui qui est doté de miséricorde. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et ma miséricorde est plus vaste que toute autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est, comme je l'ai dit, le prophète de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en s'adressant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'ensemble du monde. Sachez que parmi les sortes de miséricorde et parmi les catégories de miséricorde, il y a la miséricorde du petit vis-à-vis du grand et la tendresse du grand vis-à-vis du petit. Le grand doit être miséricordieux envers le petit. Et de la même sorte, les petits doivent être miséricordieux envers les grands de leur peuple et ils doivent reconnaître leur mérite et leur place. Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les différentes étapes dans le Coran de la vie d'une personne. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ar-Rum, le verset 54, Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis, après la faiblesse, il vous donne la force. Puis, après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est lui, le savant de toutes choses, et celui qui est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Notre vie, alors, se trouve entre deux faiblesses. Une faiblesse au début de notre existence, et une faiblesse dans la fin de notre existence. La première faiblesse est la faiblesse du nouveau-né lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Il est vulnérable, il est faible et ne peut pas se défendre tout seul. Et au fur et à mesure des années, sa force s'accroît jusqu'à atteindre l'âge où sa force est au plus haut. L'âge où il savoure la force de la jeunesse et le bien-être physique de cette jeunesse, il savoure et essaie d'en profiter au maximum. Mais ce n'est que quelques années. Et quelques années plus tard, sa force diminuera et elle se transformera en faiblesse. Et sa possibilité et sa capacité se transformera en incapacité, et à ce moment, l'ouïe s'affaiblira, la vue s'affaiblira, les mouvements seront de plus en plus lents, et la personne peut même, dans les dernières années de sa vie, être clouée à son lit, wal'iyadu billah. Innahu al-kabiru alladhi raqqa 'azamuhu wa kabara sinnuhu wa kharat quwwahu wa shaba ra'suhu. إنه الكبير الذي نظر الله إلى ضعفه وقلة حيلته فرحمه وعفى عنه. قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أيها الشيخ الكبير، وقد بلغت من السن ما بلغت وأصبحت في المحيب بعد الشباب وفي الكبر بعد الصغر والضعف وفي الضعف والعجز بعد القوة والقدرة وسائر الأحوال، فماذا يلزمك؟ اعلم أن ما مضى لم يعود، طويت صحائف الأعمال بما أودعتها من خير أو ضده، فالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والاستغفار وأخذ العدة والاحتياط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للذي بلغ 60 سنة عذرا ما جعل الله له عذرا بعدما بلغه 60 سنة. وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، أي أولم نعمركم في هذه الحياة مدة طويلة تكفي غاية الكفاية لمن يتذكر، تكفيه هذه المدة أن يتذكر وأن يتفكر في سبب وجوده في هذه الحياة الدنيا وأن مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه تذكرة من الله جل وعلا وتنبيه من الله سبحانه رحمة بعباده. وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا بلغ الرجل منهم 40 سنة لازم المساجد وسأل الله العفو عما سلف، وكان يسأله الإحسان فيما بقي من الأزمان. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فكان السلف رحمهم الله إذا بلغوا 40 عاما لزموا بيوت الله وأكثروا من ذكر الله وأحسنوا القدوم إلى الله جل وعلا. أما اليوم فأبناء 60 و70 في الحياة ينهثون غافلون لاهون. أما اليوم فنحن والعياذ بالله في غفلة عظيمة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والإنسان يلهث في هذه الدنيا لا يتذكر ولا يعتبر ولا يميل ولا يتذكر. وتجده إذا غابت عليه الشمس وقد ملئ بالذنوب والآثام من غفلة الدنيا وسيئاتها ينطلق إلى المجالس، إلى مجلس الغيبة والنميمة وغير ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Un appel qui s'adresse à ceux qui ont atteint un âge avancé, ceux qui ont laissé la jeunesse derrière eux, la jeunesse qui s'est transformée en vieillesse, la capacité en incapacité. Quel est le conseil que l'on peut leur donner? Le conseil est tout d'abord que tout ce qui est passé ne reviendra pas. Toutes les années glorieuses ne reviendront jamais, et les pages dans lesquelles étaient inscrites tes actes et tes actions sont tournées, que tes actions soient bonnes ou mauvaises. Tu dois donc te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers lui, lui demander le pardon et revenir et être méfiant jusqu'à ce que la mort te parvienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'excusera pas un homme à qui il a donné une durée de vie de 60 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il accorde à une personne une durée de vie au minimum de 60 ans, il ne lui trouvera plus d'excuses. Cette personne ne sera plus excusée car elle a vécu un nombre d'années suffisant pour que se rappelle ou pour que réfléchisse celui qui réfléchisse et pour que revienne celui qui voulait revenir et pour que se repente celui qui voulait se repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: ne nous avons-nous pas donné ou ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse. C'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala aux personnes qui ont un âge avancé. Et les salafs rahimahumullah, nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils atteignaient l'âge de 40 ans, ils fréquentaient les mosquées, et demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde et le pardon sur tout ce qu'ils auraient pu faire et accomplir durant ces 40 années, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il atteint l'âge de la force et qu'il atteint les 40 années. Il dit, ô Allah, inspire-moi pour que je sois reconnaissant des bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes mères et pères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu accepteras, et fais de ma que ma descendance soit pieuse. Je me repens en toi et je fais partie des gens qui te sont soumis. Les salafs, radiallahu anhum, lorsqu'ils arrivaient à l'âge de 40 ans, fréquentaient les mosquées d'Allah plus qu'ils n'avaient l'habitude de le faire. Et ils accentuaient les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala et faisaient en sorte de se préparer à la rencontre, avec la rencontre de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quant à nos jours ou de nos jours, les personnes ayant atteint les 60 et les 70 ans sont distraits par cette vie d'ici-bas. Ils sont dans une insouciance extraordinaire, et ceci du matin au soir. Ils courent après cette vie d'ici-bas, et lorsque la journée se termine et que le résultat de cette journée n'a été que mauvaises actions et désobéissance, ils se retrouvent dans des assises où il n'y a que de la médisance, wal iyad billah, et d'autres actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas et n'agrée pas. Ayyuha al-Shaykh al-Kabir, aqbil ala rabbik wa tadarak ma madha min sininika wa ayyamik wa akthir min istighfari wa at-tawbati ila Allah, فإن الله يمحو بالتوبة ما مضى من الذنوب ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا معشر الكبار، إن مما يحافظ عليك صحتك وقوتك حتى مع كبر سنك طاعة الله جل وعلا، وألا تستخدم هذه الجوارح في معصيته. وهذا شيء من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، أي من حفظ الله في شبابه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعفه، ومتعه الله بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، والوارث هو الباقي، والمراد إبقاء قوته إلى وقت الكبر. أيها المسلمون، لقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأعمال التي بسببها يطول عمر الإنسان، وعد إطالة العمر جزاء لهذه الأعمال الفاضلة، ومن ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار وتقوى الله سبحانه وتعالى. Sache, ô toi personne qui a atteint un âge avancé, sache que ce qui te préserve, ou ce qui peut préserver ta santé et ta force même après un âge avancé, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ne pas utiliser les membres de ton corps dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: préserve Allah et il te préservera. C'est-à-dire, préserve Allah lorsque tu es jeune. C'est-à-dire, préserve les limites d'Allah et prends garde à ne pas les transgresser, et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera lorsque tu auras atteint un âge avancé, et lorsque ta force s'affaiblira Allah subhanahu wa ta'ala te donnera une nuit, une vue, une force et une raison en dehors, au-delà du commun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent, lorsqu'il terminait une de ses assises, une invocation où il dit « Oh Allah, fais que nous jouissions de nos vues, de nos oui, de nos forces tant que nous sommes vivants, waj'alhu al-waritha minna, et fais en sorte que tout ceci reste à la fin de notre vie. » C'est-à-dire que cette oui, cette vue et cette force soient préservées jusqu'à la fin de nos jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit plusieurs actes recommandés et plusieurs adorations dont la récompense sera la prolongation de la vie. Et parmi ces actes et ces adorations, il y a le fait de bien se comporter avec ses parents, de nouer les liens de parenté, d'avoir un bon comportement, de bien se comporter avec ses voisins et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci sont autant d'actes qui ont pour récompense le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge la durée de la vie de celui qui accomplit ses bonnes œuvres. ثم يا معشر الشباب توقير الكبير وتقديره أدب من آداب الإسلام وسنة من سنن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إجلال الكبير وتوقيره وقضاء حوائجه سنة من سنن الأنبياء. يقول الله تعالى: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وهذه لقصة موسى وعن المرأتين اللتين خدمتا أباهما وهو شيخ كبير. أيها المسلم وأيها الشاب، كم يعاني الكبير من عدم الاحترام والتقدير. أصبح الكبير غريبا في بيته، ثقيلا على أولاده وأحفاده. من يؤنسه بالكلام؟ من يرد الصوت عليه؟ من يسأله عن حاجته؟ من يهتم بشأنه؟ إنها المصيبة العظمى. كم من شباب ضيعوا كبارهم من آباء وأمهات أو أرحام أو من عمات وأخوال وخالات. إن جلس مع الكبير لحظة استقلها واستطالها، وإن جلس مع الأصدقاء الليل كله فكأنها دقائق وثواني. الأب يئن في مرضه والأم تئن ممن يخدمها، فإما خادم ليرحم وإما حياة على ملل وأنت في صحة وقوة. فاعرف لهذا الشيخ حقا، لهذه المرأة الكبيرة الأم حقها وفضلها. اعرف لقرابة حقهم والطف بهم وارحمهم وأحسن إليهم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام للشيبة من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ارحم الكبير، ومن رحم كبيرا في سنه هيأ الله له من يحسن إليه عند كبره، والجزاء من جنس العمل. يا مابل qui s'adresse cette fois-ci aux jeunes, car beaucoup de personnes âgées ou avancées dans l'âge se plaignent du manque de respect qui est fait à leur égard. Beaucoup de personnes avancées dans l'âge se plaignent du mauvais comportement de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils ne trouvent personne avec qui parler. Ils ne trouvent personne parmi leurs enfants et leurs petits-enfants qui demandent après eux, qui demandent s'ils ont besoin de telle ou telle chose. Malheureusement, les jeunes ont manqué de respect envers les plus grands, parmi leurs pères et leurs mères, parmi les personnes âgées, membres de leur famille, leurs oncles et leurs tantes. Lorsqu'ils s'assied, c'est-à-dire le jeune, avec une personne âgée, la lassitude arrive très vite. Il a l'impression que cette assise dure des heures et des heures, il se lasse, il n'éprouve pas de plaisir et d'utilité à rester à parler avec un vieillard qui a sa raison qui part petit à petit. Mais par contre, de rester une nuit entière avec ses amis, ceci, et Annie, il a l'impression que cette nuit n'est qu'une minute ou quelques secondes. Les jeunes doivent donner et respecter les grands et doivent s'occuper d'eux, et ceux qui ont le plus la priorité sont les membres de ta famille. Un père malade se plaint que personne ne s'occupe de lui. Une mère avancée dans l'âge se plaint qu'aucune de ses filles ne l'aide aux tâches ménagères. Il faut reconnaître aux personnes âgées leurs droits et la valeur qu'ils ont et qu'ils méritent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi le respect d'Allah, il y a le fait d'être généreux envers les vieux parmi les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux envers les enfants et n'est pas respectueux envers les grands. Comment un musulman ou comment un jeune musulman peut-il placer ses parents dans une maison de retraite? Comment cette idée peut traverser son esprit avant même de la mettre en pratique? Ses parents qui ont sacrifié sa vie pour lui, sa mère qui a sacrifié sa vie et sa santé pour lui, arrivé à un âge avancé, les enfants ne trouvent d'autre solution que de les placer dans une maison de retraite. Ce ne sont pas des maisons de retraite, je les appellerai plutôt les maisons de la honte. Les maisons de la honte, c'est une honte de placer un de ses parents dans une maison de retraite. Tu te dois de subvenir à leurs besoins, de les loger dans ta maison jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala emporte leur âme. Et ceci est une obligation vis-à-vis de toi, et tu seras questionné le jour du jugement sur ton comportement et sur les droits de tes parents sur toi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتى الصديق رضي الله عنه عام الفتح بأبيه المكنى بأبي قحافة، جاء أبو بكر بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه، فإن أبا بكر أسلم وهو شيخ كبير، وجاء به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسلم أبوه ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: ألا تركت الشيخ في بيته فنأتيه نحن؟ فصلوات الله وسلامه عليه قال: ألا تركت الشيخ في بيته حتى نأتي؟ أي رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الشيخ إليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يأتي إلى بيت أبي بكر. هكذا يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وهكذا يرحمهم ويشفق عليهم، وهكذا يعلم أصحابه كيف التعامل مع الكبار. أيها المسلمون، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الكبار معلومة من سنته صلى الله عليه وسلم. فأولا كان يبدأ بالكبار في الكلام فيقول للصغار: كبر كبر. أي إذا أراد أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وأراد أحد من الصغار أن يتكلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله: كبر كبر، أي اترك الكلام للكبار ولا تسبق الكبار في الكلام. ونحن ونجد في سنته صلى الله عليه وسلم إيصاء لأئمة المصلين أن يرفقوا بالكبار، فيقول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. وقال له رجل: يا رسول الله، إني أترك صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب مثله، وقال لذلك الإمام، وكان معاذ رضي الله عنه، فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. وجاء الإسلام ليجعل الكبير الذي ضعفت قوته عن الصيام أن يكتفي بإطعام مد عن كل يوم، كما قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجاءت امرأة في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا، فريضة الله أي فريضة الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالقضاء. سشي كأبو بكر الصديق رضي الله عنه est venu accompagné de son père qui avait pour cunia Abu Quhafa. Il l'a emmené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Abu Bakr, afin que son père, qui était un homme vieux et âgé, afin qu'il prête allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il proclame son islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr: pourquoi n'as-tu pas laissé le vieil homme chez lui afin que nous venions chez lui? Pourquoi l'as-tu fait venir? Pourquoi ne l'as-tu pas laissé chez lui pour que nous allions chez lui et qu'il fasse et qu'il proclame son islam et qu'il fasse son pacte d'allégeance sans le faire déplacer vu son grand âge? Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi il se comportait avec les personnes âgées. Il était miséricordieux envers elles. Il était doux envers elles. Et il enseignait cela à ses compagnons, alayhi salatu wa salam. Sachez également que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de hadiths nous montrent les droits des personnes âgées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans une assise, il donnait la parole en premier aux personnes âgées. Et lorsqu'un enfant voulait prendre la parole, il lui disait « Kabbir, Kabbir », c'est-à-dire « Laisse la parole aux grands, laisse la parole aux grands ». Et ainsi, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les imams qui président la prière de soulager leur prière et de les alléger, car il y a derrière eux des enfants, des personnes âgées, des malades et des personnes qui ont des occupations. Et un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: oh envoyé d'Allah, je délaisse la prière du Fajr car un tel allonge trop sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors énervé, un énervement qu'il a rarement eu sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit à cet imam qui était Mu'ad: es-tu ou veux-tu semer la turpitude au Mu'ad lorsque l'un d'entre vous préside la prière, qu'il l'allège, car il y a derrière lui des enfants, des personnes âgées, des malades et des personnes qui ont des occupations. Et l'islam est venu également autoriser à la personne âgée qui n'a plus la possibilité de jeûner, de nourrir un pauvre par jour, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre. Et une femme est venue pendant le dernier pèlerinage d'adieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: oh envoyé d'Allah, mon père, l'obligation du pèlerinage incombe à mon père, mais c'est une personne vieille qui ne peut pas rester sur une monture. puis-je faire le pèlerinage pour lui ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Ou si ton père avait une dette, l'aurais-tu remboursé pour lui ? Eh bien, la dette d'Allah mérite plus d'être remboursée. وهكذا كان السلف كان كبارهم يحترمون صغارهم ويشفقون على كبارهم سواء الأقارب أو غير الأقارب بل الأقارب والأرحام متأكد أمرهم أنه يؤدب الناس بعضهم بعضا فيعرف الصغير للكبير مكانته فيقدمه في مجلس ويبدأ به في الكلام ويرفق به ويرحمه وهكذا المؤمنون حقا وكم من الله على بعض الفئات من الناس فاحترم كبيرهم صغيرهم فتستطيع أن تميز فارق العمر بينهم بتقديم كبيرهم ولو يوما واحدا هكذا الإسلام أيها المسلمون دعا إلى هذا الخلق الكريم ورغب فيه فالمطلوب منا تأديب صغارنا وحثهم على احترام الكبار وبث تلك الروح الطيبة فيهم وأن الصغير لا يتقدم الكبير لا في الخروج ولا في الدخول ولا في الركوب ولا في المجالس حتى يكون بين المسلمين ارتباط العظيم الذي جاءت به شريعة الإسلام ainsi était nos salaf et nos plus prédécesseurs les grands respectaient les petits et les petits respectaient les grands et les grands étaient miséricordieux envers les petits. Que ces grands fassent partie des membres de sa famille ou non, lorsqu'ils faisaient partie des membres de sa famille, le respect était encore plus grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits certaines personnes ou certains peuples dont on peut connaître le plus âgé d'entre eux au respect qu'ils ont entre eux. Ainsi, l'islam nous appelle à ce noble comportement et nous devons éduquer nos enfants dans ce sens et les inciter à respecter les grands et à les éduquer à ne pas précéder les grands ni dans la sortie, ni dans l'entrée, ni dans avant d'entrer dans une voiture ou en sortant, ni de précéder les grands dans une assise afin que les musulmans et chacun son droit, afin que chacun ou chaque ayant droit ait son droit. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأدب بآداب الإسلام والثبات عليه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.